Extrait du 21 novembre. Avant de partir, nous discutons un peu avec Pablo et Shema et leurs collègues chiliens qui nous paraissent très sympathiques. Ils ont monté ensemble ce camping il y a 4 ans qui fonctionne comme concession du parc national Nahuel Huapi. Ils nous parlent de la haute saison lorsque près de 500 personnes se partagent simultanément l'espace du camping. Nous avons de la peine à imaginer ce que cela peut être et nous sommes très heureux de profiter encore du calme de la basse saison. Quelques pêcheurs arrivent dans la matinée à bord de leur voiture, le bateau chargé sur la remorque. Nous saluons nos hôtes et le lac Falkner, longeons le lac Villarino, puis commençons à suivre une route sinueuse de montagne à travers une forêt de plus en plus dense et humide. L'eau ruisselle un peu partout. Ce matin, au réveil, il pleuvotait encore un peu, mais les signes précurseurs d'une éclaircie se faisaient sentir. En début d'après-midi, nous saluons enfin à nouveau Frère Soleil, qui nous manquait déjà. Le ciel se dégage petit à petit, en même temps que le plafond nuageux s'élève et laisse apparaître les sommets enneigés des montagnes environnantes. Nous observons le lac Escondido en contrebas, alors que la route sinueuse suit une vallée de plus en plus encaissée. En arrivant à la rivière Pititrafoul, la vue alentour est somptueuse. Pouvoir enfin observer les sommets de montagne nous donne une impression de liberté d'esprit extraordinaire. Nous sortons enfin du tunnel humide des derniers jours et profitons amplement des rayons du soleil retrouvé. Dans l'après-midi, nous observons un défilé de motards, voitures, week-end rallongé oblige, lundi, demain et férié, et de cyclistes voyageurs chargés de leurs multiples sacoches. Nous ne nous sentons plus du tout bizarres, bien au contraire, nous avons l'impression de participer à un grand pèlerinage vers les terres australes.